Chapitre 67e, les deux sapeurs. Tout autre avait été l'opinion du général baron Osaka, qui avait, auprès de son gouvernement, assumé la responsabilité de la possession, par n'importe quel moyen, de ce fameux détonateur Imailo. « Nous n'avons nullement besoin des papiers qui concernent le DR, » dit-il à ses collaborateurs. « Nous sommes gens de métier, et la reconstitution de ce dernier est pour nous chose facile. Nous le ferons si c'est nécessaire. Ce qu'il nous faut, c'est surtout la pièce elle-même, même incomplète, même ayant au moins un ou plusieurs de ses organes. Grâce au génie imitateur de notre race, nous saurons faire d'autres DR, et nous parviendrons fatalement, forcément, à retrouver, à rétablir, à reconstituer les pièces qui manqueront. Nous saurons compléter le DR dont nous nous serons emparés. Donc, il nous faut à toute force un des DR qui ont été aujourd'hui étudiés, essayés, et qui se trouvent en ce moment sous bonne garde dans la casemate. » Tout comme Paulin Broquet ou comme Zygomar, le général baron Osaka se trouvait à la tête d'une brigade de collaborateurs intelligents, dévoués et d'un courage à toute épreuve, doués de cet admirable esprit de sacrifice qui est une des gloires du Japon. C'étaient des officiers jeunes, froidement ambitieux, ayant fait le don de leur vie à la grandeur du pays du soleil levant. Tous, comme le général, étaient convaincus de la nécessité de s'emparer du détonateur lui-même. Et chacun en particulier espérait avoir l'honneur de prendre ce DR. Toute la journée en uniforme, ils avaient, à titre étranger, accrédité auprès de l'état-major français, assisté aux essais parmi les officiers étrangers accrédités également et les officiers français admis à suivre ces études. Mais nous savons que personne, à part les quelques officiers et servants scrupuleusement choisis, n'avait pu pénétrer dans la casemate. Ils n'avaient pu, tout en suivant les opérations sans voir les armes, que relever la topographie exacte de l'emplacement de la casemate, étudier sa construction, chercher et trouver malheureusement ses défauts. Avec les autres officiers, après les tirs, vers le soir, ils s'étaient retirés et avaient regagné Versailles. Ils étaient rentrés à l'hôtel qu'ils occupaient pour se changer, afin d'assister au dîner qu'offraient aux frères d'armes étrangers les officiers d'artillerie de France. Le dîner fut cordial, gai comme il convenait. Puis, après dîner, le général baron Osaka, tout en causant de la France, du Japon, de toutes choses à présent en dehors de l'artillerie, parlant des chanteuses françaises, des actrices, des geishas, des cabarets de nuit de Montmartre et des maisons de thé, des bateaux de fleurs, se promena avec ses convives par une nuit agréable, douce, quoique sombre, sans lune et sans étoiles, sous les arbres centenaires de la ville du Grand Roi, éternel endeuillé. Un autre groupe était formé par de jeunes officiers, le lieutenant d'artillerie Charlet, qui accompagnait le commandant Girard, et le lieutenant Maritsu, qui était un des officiers d'ordonnance du général Osaka. Eux aussi riaient, se racontant à qui ferait le mieux des histoires corsées, car le Japon veut ravir à la France aussi cette gloire d'avoir les plus belles histoires d'amour. Tout en causant ainsi, tout en riant, car chose étrange, le japonais, homme ou femme, au masque impénétrable, aux yeux indéchiffrables, sait sourire, sourire comme le français. Le général baron Osaka et le commandant Girard, les lieutenants Maritsu et Charlet, échangèrent des cigarettes et s'offrirent des cigares. Puis les japonais, leur venus, reconduisirent les officiers français jusqu'à la voiture qui devait les emmener au camp. Le commandant Girard et le lieutenant Charlet allaient passer la nuit sur un lit de camp dans la casemate, près des pièces à garder. Quand la voiture s'éloigna, revenant vers l'hôtel, le général baron Osaka demanda en japonais à son lieutenant « Il a fumé ?»« Oui, mon général. »« Bon, le mien aussi. » Peu après, une voiture automobile à capot énorme quittait Versailles avec 5 hommes. Avant de partir, l'un des hommes, le chauffeur, prit le soin bizarre de changer la plaque d'arrière et d'y placer une nouvelle plaque avec un numéro différent. Dans la voiture se trouvaient 3 bicyclettes pliantes, et la voiture s'élança vers la route de Paris. Mais elle fit un détour, et peu après elle gagna le chemin qui conduisait au champ d'expérience d'artillerie. Un peu avant le dîner des officiers, le sapeur attaché au commandant Girard avec ses camarades arriva à l'école d'artillerie, et dans le bureau de son chef, dont il avait la responsabilité, il déposa dans un coffre la sacoche de cuir enfermant les documents concernant le DR. Puis, le sapeur, ayant mis sa clé en poche, s'en alla à la cantine dîner. Après dîner, il s'attarda avec un camarade à fumer une pipe. À ce moment, un autre sapeur qui le cherchait finit par le découvrir. C'était un sapeur caserné à Versailles. « C'est pas trop tôt que je te trouve, » dit-il au Versaillais. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a que je cours après toi depuis Versailles. Pourquoi faire ? Le sapeur de Paris regardait le sapeur de Versailles. Il ne le connaissait pas, mais comme là-bas au camp on lui avait déjà donné comme camarade un sapeur qu'il ne connaissait pas non plus, il pouvait se faire que celui-là en fût un autre du même genre. Tous les sapeurs ne peuvent pas se connaître entre eux, mais il suffit qu'on soit sapeur pour que la camaraderie se fasse, surtout quand le nouveau venu offre tout de suite d'arroser la connaissance. En choquant les verres, le sapeur de Versailles dit alors au sapeur de Paris « Je viens de la part du commandant Girard. Toi, pourquoi ?»« Parce qu'il m'envoie pour te dire d'apporter chez le colonel de Fongrive ton portefeuille de cuir. À cette fin que le colonel, il doit y appliquer des annotations. » Alors, c'est changé. On m'a dit au contraire d'apporter la sacoche à l'école. C'est changé, faut croire. Mets un papier pour justification de ce contre-ordre. Le voilà. Le sapeur de Versailles tendit au sapeur de Paris un papier avec l'entête du régiment de Versailles et des cachets et une signature qui était bien celle du commandant Girard. Le sapeur de Paris ne pouvait dès maintenant concevoir aucun soupçon. Tout était en règle. On but le dernier verre. On se donna de fortes poignées de main et la cendre de sa pipe secouée, le sapeur de Paris se dirigea vers l'école pour y prendre dans le bureau du commandant Girard la sacoche de cuir qu'il devait porter chez le colonel de Fongrive. Comme tout vrai sapeur, en dehors du service, il alluma sa pipe à qui il confiait ses pensées de sapeur et qui, dans une bouffée, lançait au vent ses jurons de vieux troupier toujours de mauvaise humeur. Il traversait l'esplanade des Invalides, immense, déserte et sombre, tête baissée, grognant même après sa bouffarde, quand soudain il reçut un coup terrible sur la nuque, chancela et s'affala de tout son long à terre, perdant connaissance. Si sa pipe n'avait pas été en bois, il cassait sa pipe, et lui-même, s'il n'avait pas été en rude bois de soldat, il faisait comme sa pipe. Il n'en restait évanoui que quelques instants. Des gens le trouvèrent étendu à terre. Ces gens passèrent en riant, le prenant pour un homme ivre. Puis d'autres parurent, sortant du sol, peut-être des arbres. Un fox-terrier inévitable vint, de son museau pointu, le flairer sous le nez, assurément pour dire aux gens gouailleurs qu'ils avaient tort de rire sans savoir de quoi il s'agissait. Bref, on finit par s'apitoyer et par relever le pauvre soldat qu'on soigna. Le sapeur de Paris revint à lui. Aussitôt, il tâta son côté où pendait la sacoche de cuir qu'il portait en bandoulière. Alors il poussa un juron formidable. « Ma sacoche ! On m'a volé ma sacoche !» Et il partit comme un fou, au hasard, dans la nuit. Pauvre sapeur de Paris, pauvre sapeur. Le sapeur de Versailles, qui n'était autre que Zigomard, venait de lui prendre ses précieux documents. Zigomard, triomphant, avait sauté dans une automobile qui déjà comptait 3 personnes. Quand il y entra, montrant la sacoche, il poussa le cri de ralliement de triomphe des aides. « Zà la vie, zà la mort !» répondirent les aides exultants. Et ils hurlèrent dans le vent en passant sur la Seine, sur cette grande artère où coule la vie de Paris, qui symbolise la ville de toute richesse, de toute intelligence, de tout courage. Vive Zigomard ! C'était comme s'ils avaient voulu porter un défi nouveau à Paris, comme s'ils proclamaient une fois de plus la gloire du maître. Mais qui aurait ri de cela, s'il l'avait vu, s'il l'avait entendu ? Paulin Broquet ! Pour la seconde fois, Zigomard avait employé tout son génie pour prendre à un pauvre diable de sapeur ce qu'il croyait devoir être une source de fortune. Et il n'emportait après ce coup de dasse que des documents placés exprès dans la sacoche par Paulin Broquet, par celui à qui surtout s'adressait le triomphal « Vive Zigomard !»